prend le rap, on encule à deux. On prend le bat, le fait nettoie à deux. On s'en sort ou on crève à deux. Cœur qui bat quand ça tire à deux.